Amis humains, bonjour. La conscience écologie, une belle utopie. En France, certaines voix s'élèvent contre l'écologie. Il y aurait trop d'écologie, les gens en ont assez de voir ce sujet fleurir partout, écotaxe, développement durable, énergie propre, réduction de vitesse, augmentation de taxes sur les voitures considérées comme polluantes, manger 5 fruits et légumes par jour, manger bio. C'est vrai, l'écologie peut être contraignante, surtout quand on vous l'impose, et encore plus quand on vous oblige à aller dans ce sens tout en le payant plus cher. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est qu'on est obligé de vous forcer la main, puisque vous n'avez aucune conscience écologie. Rien, nada. Pas même un soupçon. Vous ne me croyez pas. Souvenez-vous, déjà à l'école, combien d'entre vous qui jetiez des papiers, des stylos, des déchets divers et variés par terre, sur la table ou à la face de vos camarades? Et si jamais on osait vous faire la remarque, quelle était votre réaction? Y a une femme de ménage, elle est payée pour ça. Vous pouviez même rajouter, sans des gens comme moi, elle serait au chômage. Je parie que vous avez su évoluer, depuis, n'est-ce pas? Désormais, vous faites travailler les services municipaux ainsi que la DDE pour ramasser vos cochonneries, heureusement que vous êtes là, sans vous, le chômage serait pire encore que ce qu'il n'est. Que tous vos déchets ne soient pas ramassés, ce n'est pas votre problème, ni de votre ressort. Les toilettes publiques. Visitez en dépaysement garanti, plus que des toilettes, bien souvent, ce sont des dépotoirs. Flaques d'eau, chasse pas tirée, papier par terre, vomi, reste de déjection. Si le nettoyage n'est pas régulièrement fait, c'est la porcherie assurée. En fait, cela concerne tous les domaines, si des gens ne sont pas payés à nettoyer, il y aura forcément un amoncellement de déchets, sans jamais que ça n'offusque personne ni n'en fasse réagir. Ce qui prouve bien que nous n'avons aucune conscience écologique. Il nous faut des contraintes pour qu'on daigne faire attention à nos actes. Sans aucune loi, iriez-vous vraiment jeter vos déchets ou jetterez tout par terre? Quand on voit l'état des abords des routes, malgré les lois existantes, quand on voit où en est l'application de la loi sur l'extinction des lumières la nuit, quand on voit comment la plupart des gens estiment et traitent la nature, la réponse se trouve dans la question. Alors, oui, il nous faut des contraintes, et je dirais même plus, il nous en faut bien plus que cela au vu de l'état de la planète et de notre démographie que rien ne semble arrêter. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.